De retour à Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons maintenant faire un 180 degrés, changer complètement de sujet pour parler d'un autre type de menace, la menace des tortues à oreilles rouges. Donc c'est un petit peu surprenant, cette menace des tortues à oreilles rouges, en fait c'est une menace des écosystèmes par l'introduction d'espèces envahissantes. Et c'est notre chroniqueuse Mélanie Jean qui va nous présenter cette espèce envahissante surprenante. Bonjour Mélanie. Bonjour Valérie. D'abord peut-être un petit portrait des tortues de nos écosystèmes? Oui, en fait, au Québec, il y a 9 espèces de tortues sauvages qui sont protégées en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Et cette loi interdit de les chasser, de les capturer, de les garder en captivité ou même de les vendre. Et sur 9 espèces, seulement 2 sont pas désignées menacées ou vulnérables. On compte parmi elles la tortue serpentine et la tortue peinte. Mm-hmm. Et d'ailleurs, si vous voulez voir de quoi les tortues du Québec ont l'air, je vous invite à consulter mon site internet maplanetebleue.com. Mm-hmm. J'ai mis ma chronique en ligne, puis j'ai mis les photos des 9 espèces différentes mm-hmm. qu'on a au Québec. Et malheureusement, en plus de la destruction de leur habitat, nos tortues indigènes, comme tu l'as dit, doivent faire face à un nouveau concurrent. C'est la tortue à oreilles rouges. C'est un animal domestique qui est très répandu au Québec. Les variétés de tortues sauvages ne doivent donc en aucun cas se trouver en animalerie à cause de la loi que j'ai mentionnée tout à l'heure. Donc, une des seules qu'on retrouve, c'est la tortue à oreilles rouges. Et il va de soi que les espèces sauvages, on les laisse en nature, puis que les espèces exotiques, on les garde en captivité. Ouais. Et il faut pas les relâcher dans la nature. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé avec la tortue à oreilles rouges. C'est une espèce qui est potentiellement envahissante, qui est présente au Québec, et elle n'a rien de la petite bête inoffensive qu'elle semble être. Oui, c'est ça, hein? Parce que quand on pense aux tortues, oh, c'est mignon, oui. C'est une tortue, ça va pas vite, ça bouge pas. C'est pas si vrai que ça. C'est pas si vrai que ça. En fait, la tortue à oreilles rouges doit son nom à la présence d'une tache rougeâtre ou orange qu'elle a derrière chaque œil, donc on pense proche des oreilles, donc d'où vient son nom. Ah oui. Et la peau de la tête, du cou, ainsi que des membres, est plutôt verdâtre avec des stries de lignes jaunes. Et la taille des adultes, ça va peut-être en surprendre plus d'un, varie entre 10 et 40 cm. Donc, quand on les achète petites en animalerie, là, ça reste petit. Mais ça ne reste pas. C'est ça. Et parmi les 8 espèces de tortues d'eau douce au Québec, parce que la 9e est une tortue marine, la tortue peinte est la plus susceptible d'être confondue avec la tortue à oreilles rouges. Vous regardez les photos, puis c'est vrai qu'on peut la confondre facilement. Et la présence de taches rougeâtres sur la dernière et le patron de la partie supérieure de la carapace chez la tortue peinte va nous permettre là, de distinguer les 2 espèces. D'accord, donc elles sont semblables, mais est-ce qu'elles partagent le même habitat? En fait, la tortue à oreilles rouges est un reptile d'eau douce qui fréquente les cours d'eau calmes et lents, les étangs, les lacs, les marais. Donc, a priori, on pourrait dire oui. Ouais. Et puisque la tortue est un animal ectotherme, c'est-à-dire que la température de son corps va dépendre de la température ambiante, ben elle recherche des ondes de chaleur et se repose fréquemment au soleil à la surface de l'eau ou sur des perchoirs, des roches, afin d'optimiser sa température interne, donc elle va se chauffer au soleil, et faire ses activités quotidiennes. Sa capacité maximale d'activité est atteinte des températures qui oscillent 25 à 30 degrés. Mais la tortue peut tolérer des températures allant jusqu'à même 42 degrés Celsius. Et elle a déjà été observée en train de nager sous la glace. Ah. Et donc, la tortue à oreilles rouges peut être active tout au long de l'année dans le sud de son aire de distribution. Au Québec, elle passe l'hiver en hibernation au fond des étangs, mais on se rend compte que là, l'espèce s'est adaptée à notre hiver, à notre climat. Parce que je me disais quand même 25-30 degrés, bon, c'est quand même c'est quand même juste quelques journées dans l'année, c'est pas tant que ça. Oui, mais on s'aperçoit que c'est un gradient assez grand de température qu'elle peut supporter, aussi chaud que très froid, comme nos hivers. Mm-hmm. Et comment elle est arrivée chez nous? Mais la tortue à oreilles rouges est native du bassin du Mississippi, là, c'est le centre-sud des États-Unis. L'élevage de ces tortues a commencé vraiment aux États-Unis là, dans les années 50, puis c'est devenu de plus en plus populaire. Et est vite devenue la tortue vedette, qu'on pourrait dire, dans le commerce des tortues domestiques. Et le gros boom est arrivé entre 89 et 1997, où là, plus de 52 millions d'individus étaient exportés des États-Unis dans des animaleries. Et cette espèce est devenue très populaire à cause de sa quand même relative petite taille. Là, c'est pas une tortue des Galapagos. Ouais. Et ses exigences plus contraignantes pour l'élevage et son coût qui est assez négligeable. Ouais. Mais pourtant, bon, comme tu le disais, elle est petite à l'achat, mais ce que les gens savent pas, bah, apparemment, c'est qu'elle va pas rester petite, qu'elle va grandir. C'est ça, cette tortue, elle va pas rester petite très longtemps. En effet, les gens qui en font l'achat, là, des fois, ils se doutent pas qu'elle peut dépasser 40 cm à l'âge adulte et vivent plus de 50 ans en captivité. Ah, on l'a pour la vie. C'est presque, oui. Plusieurs propriétaires, à un moment donné, finissent donc par les relâcher dans les étangs urbains parce que soit qu'elle est devenue trop grosse ou qu'ils ont plus le temps de s'en occuper. Et ben là, ça va favoriser l'établissement de cette espèce dans des zones humides. Et puis là, ben, elle est devenue de loin l'espèce de tortue non indigène, donc pas d'origine québécoise, mm-hmm. on peut dire, la plus introduite à travers le monde. Parce qu'il n'y a pas juste ici, vous allez voir plus tard, qu'il n'y a pas juste ici qu'on a ce problème-là. La libération intentionnelle ou accidentelle de ces animaux d'aquarium dans les plans d'eau publics présente la voie principale là, de cette introduction dans nos réseaux hydrographiques. Donc, mm-hmm. c'est principalement à cause qu'on la relâche volontairement ou accidentellement. C'est-à-dire qu'elle arrive à se reproduire, à retrouver des congénères et à se reproduire. C'est ça, fait qu'il y en a suffisamment pour ça. C'est ça. Donc, au Québec, bien que cette espèce exotique se trouve à la limite nord de son territoire, parce que naturellement, elle ne vit pas ici, c'est un peu trop au nord pour elle, ben, elle est capable de survivre aux hivers en hibernant, comme on le disait. Oui, c'est ça. Et donc, elle a réussi à s'adapter au climat. Jusqu'à maintenant, l'espèce ne semblait pas pouvoir se reproduire et élever des jeunes viables. Cependant, en 2010, des observations de ponte ont été rapportées dans la région de Montréal. Donc, on a la mm-hmm. preuve que ça fonctionne. Ils mm-hmm. peuvent vivre et se reproduire. Et des conditions climatiques favorables, avec des printemps plus hâtifs et plus chauds, par exemple, qu'on connaît de plus en plus, pourraient permettre à cette espèce de se reproduire et ainsi de se répandre là, dans les plusieurs régions du Québec. Et peu de suivis scientifiques sont encore disponibles sur cette espèce, malheureusement. Les recensements... Les récentes découvertes, pardon, des sites de ponte, là, ça inquiète beaucoup la communauté scientifique. Là. Et est-ce qu'on sait quels pourraient être les impacts si elle réussit à s'introduire, à se reproduire dans l'environnement? Bien, la tortue à oreilles rouges est capable de causer des déséquilibres dans les habitats qu'elle colonise facilement, car il s'agit d'une espèce qui on l'a vu, est assez tolérante et peut s'établir rapidement dans de nouveaux milieux. Elle peut ainsi tolérer des eaux saumâtres et survivre dans même des canaux d'irrigation puis dans des étangs urbains. Mm-hmm. Et de plus, son régime alimentaire omnivore, composé de plantes aquatiques et de petits animaux, là, des insectes, des petits poissons, des œufs de grenouille, ce genre de choses-là, ben, c'est en fait un redoutable envahisseur capable d'affecter de nombreuses populations et communautés tout autant animales que végétales. Donc, elle est en compétition directe avec nos espèces indigènes parce mm-hmm. qu'ils ont pas mal le même style de vie, là. Les tortues à oreilles rouges sont aussi des compétiteurs assez agressifs avec les autres espèces de tortues pour l'habitat, particulièrement les sites de ponte et pour avoir leur endroit favori de bain de soleil et en compétition pour la nourriture aussi. Ainsi, dans les endroits où les populations se sont établies, les tortues à oreilles rouges présentent un avantage compétitif sur les espèces indigènes de tortues parce que l'âge de maturité de cette espèce-là est plus précoce, son taux de fécondité est plus élevé et sa taille corporelle est plus imposante à l'âge adulte. Donc, elle va venir plus grosse. Par exemple, en France, les tortues à oreilles rouges menacent sérieusement les populations de Cistude d'Europe. C'est une espèce de tortue qui est en danger d'extinction là-bas. Malgré son occurrence et les alertes soulevées à travers le monde, les impacts de la tortue à oreilles rouges sur les écosystèmes, malheureusement, sont encore mal cernés. Au Québec, il est crucial de prévenir la propagation de cette espèce qui pourrait compromettre les populations de tortues indigènes. Mais est-ce que ça pourrait passer par l'interdiction de vente de cette tortue? Bien, plusieurs pays dans le monde ont pris des mesures draconiennes en interdisant carrément l'importation de ces tortues-là. Au Québec, le commerce est encore autorisé et les risques de propagation des tortues à oreilles rouges sont associés à la libération accidentelle, mais surtout volontaire des gens de cette espèce lorsqu'un propriétaire souhaite plus avoir cet animal domestique chez lui. Peut-être qu'il faudrait de la sensibilisation quand on vend cette tortue-là, de dire elle va devenir grosse et exactement. Vous en avez pour 50 ans. C'est ça, c'est d'ailleurs un peu l'idée qui m'est venue pour cette chronique-là. Ouais. C'était un peu une façon de sensibiliser les gens à cette espèce qui n'est pas connue sous son vrai jour, on pourrait dire. C'est ça, exactement. Et tu disais tout à l'heure donc, que c'était, il n'y avait pas juste au Québec qu'il y avait ce problème-là? Non, c'est exact. La Chine, la Suisse, la France et le reste du Canada aussi, ce sont seulement des exemples d'endroits où ils sont pris avec le même problème que nous, en fait. Il va sans dire que l'interdiction d'introduire cette espèce animale dans les écosystèmes est déjà en vigueur dans plusieurs pays, là, surtout en Europe. Donc, avant d'acheter cette espèce de tortue, il faut penser à long terme. Aurais-je suffisamment d'espace pour elle une fois adulte? Est-ce que j'aurais toujours envie d'avoir une tortue? Oui, tout à fait. Est-ce que j'aurais du temps à y consacrer, de l'argent à y consacrer, parce que ça mange quand même beaucoup, une fois adulte? Et ce sont toutes des questions pertinentes, parce qu'une tortue, on peut un peu comparer ça à un perroquet, ça vit longtemps. Mm-hmm. Et c'est un engagement à long terme. Mm-hmm. Donc, si jamais le propriétaire ne peut plus la garder, la dernière chose à faire, c'est de la relâcher dans la nature. C'est préférable de même aller la donner à la SPCA. Là. C'est préférable que d'aller la jeter dans une rivière ou la porter dans la forêt. Là. Mm. C'est la pire chose à faire. Mm. Donc, il faut bien se documenter avant d'avoir un animal. Les tortues aussi, ça compte là-dedans. Mm. Et une chose qui est importante, c'est que peut-être que même une autre variété d'animal ou de tortue ou de reptile pourrait convenir plus. Oui, il y en a peut-être d'autres qui sont en vente des tortues. C'est peut-être. Ça. Donc, c'est peut-être pas l'idéal d'avoir une tortue pour certaines personnes. Mm-hmm. Donc, c'est bien de se documenter avant. Parce qu'avant d'acheter un animal, il faut bien y penser. Absolument. Ben, je te remercie beaucoup, Mélanie. Ça fait plaisir. C'est un sujet que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cette tortue-là. J'ignorais complètement qu'il y avait des tortues. Je suis bien contente de te l'avoir fait connaître. Qu'il y avait des tortues qu'on... exotiques qu'on relâchait qui pouvaient au point de pouvoir menacer nos écosystèmes. Oui, et c'est le cas avec d'autres animaux aussi. Je pourrais même trouver un jour une chronique pour faire une autre chronique avec des exemples d'autres animaux. Oui, pourquoi pas, un portrait de nos animaux de compagnie qu'on relâche dans la nature et qui menacent nos écosystèmes. Parfait. Ben, merci beaucoup, Mélanie. De rien.